peine là j'ai en moi t'as palpité la cible. Parce que les mois m'ont échanté. Ça débile moi nous café, on tout matin, moi t'as disparu.